Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 26 novembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Le Burundi a la responsabilité de sauvegarder le patrimoine de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAS, cette organisation sous-régionale dont le pays est membre mais qui est à l'arrêt depuis 1993. Vous aurez les précisions du secrétaire général du gouvernement et porte-parole dès le début de ce journal. Et dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, une avocate et consultante en genre nous expliquera comment la loi burundaise réprimant les violences basées sur le genre est lacunaire. Et la population de la colline Kibimba en commune Michia de la province Tchankouzo qui se fait soigner au centre de santé de Kibimba affirme qu'il est difficile de lutter contre la malaria du fait que les moustiquaires sont usés. Dans la chronique environnement, un chercheur dans ce domaine nous montrera les effets négatifs de l'extraction minière aussi bien sur l'environnement que sur la santé humaine et animale. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Le Burundi a la responsabilité de sauvegarder le patrimoine de l'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAS, assise dans la capitale politique Gitega et qui regroupe le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et cela ressort du Conseil des ministres tenu ce mercredi du moment que cette institution n'a plus fonctionné depuis 1993. Suivez cet extrait du compte rendu du secrétaire général du gouvernement Prosper Nahorwami. L'Institut de recherche agronomique et zootechnique IRAS, créé en 1979 par la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, qui sont le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, connaît depuis plusieurs années de graves difficultés de fonctionnement qui ont paralysé presque toutes les activités. Cette paralysie est due principalement aux guerres civiles qui n'ont épargné aucun des trois pays membres, particulièrement depuis l'année 1993. En attendant que la situation se normalise et compte tenu de l'état de cette richesse communautaire, il y va de la plus haute responsabilité de l'État du Burundi de la sauvegarder, car si rien n'est fait, toute la responsabilité pourrait tomber sur le pays pour ne pas avoir agi correctement au moment opportun dans l'intérêt supérieur de toute la CPGL en général et pour celui du Burundi en particulier. Sur ce dossier, le Conseil des ministres a recommandé ce qui suit. Il faut interroger les textes existants pour savoir qui est actuellement habilité à convoquer une réunion de l'Assemblée générale, faire l'état des lieux du patrimoine en place et son état et le communiquer aux autres membres. Il n'y a pas d'inconvénient à exploiter le terrain de l'IRAS. Arrêter des stratégies de sauvegarde du patrimoine de l'IRAS et mettre en valeur le patrimoine qui risque de se détériorer, y compris le matériel génétique. Il faut informer les autres pays membres sur les activités qui sont en train d'être menées. Raviver les contacts diplomatiques. Expulser sans délai ceux qui exploitent illégalement le patrimoine de l'IRAS, notamment les maisons. Ramener dans les mains de l'État l'école qui accueille les enfants des fonctionnaires de l'IRAS. Prosper Nahorwamiye, porte-parole, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. La population de la colline Kibimba en commune Michia de la province Tchankouzo, qui se fait soigner au centre de santé de Kibimba, affirme qu'il est difficile de lutter contre la malaria du fait que les moustiquaires sont usés. Le médecin provincial de la santé en province Tchankouzo le reconnaît puisque les moustiquaires sont distribués une fois les trois ans, mais demande à la population de se confier aux structures sanitaires chaque fois que les symptômes de cette maladie apparaissent. Les facteurs d'aggravation de la malaria sur le centre de santé de la colline Kibimba en commune Mijia de la province Tchankouzo est le fait que les moustiquaires qui ont été distribués sont usés puisqu'ils sont troués et les moustiques y entrent facilement. Des malades testés positifs de cette maladie rencontrés au centre de santé de Kibimba affirment que dans ces jours, cette maladie a pris une grande ampleur et la fréquentation des centres de santé est de plus en plus fréquente car on peut fréquenter les structures de soins deux ou trois fois le mois à cause de la malaria. Le titulaire de ce centre de santé dit que les moustiquaires ont été distribués à tout le monde, mais suite à d'autres gens rapatriés ou venus d'autres provinces, il y a eu la nécessité de distribuer d'autres. Gédéon Maniratunga, médecin provincial de Tchankouzo, parle d'autres moyens de se prévenir contre cette maladie par des mesures hygiéniques, mais le plus urgent est la fréquentation de ce qui est de soins dès l'apparition des premiers signes de cette maladie. Et à noter que le problématique des moustiquaires à longue durée d'action, distribué une seule fois les 3 ans, a fait l'objet de débats lors d'une rencontre des partenaires de la santé à Changkouzo ce jeudi, où l'on a souhaité également que les moustiquaires soient distribués chaque fois de besoin. Depuis Changkouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Mudende. Et presque tous les champs de maïs, surtout ceux situés dans la plaine de Gihanga, Manda et Muzinda, sont déjà attaqués par les chenilles et les légionnaires. Les cultivateurs disent que tous les pesticides utilisés sont sans effet et doutent des récoltes de cette saison. À la Direction provinciale de l'agriculture et à la FAO, qui avait même donné des semences pour certains groupements d'agriculteurs, on leur recommande de procéder à la lutte mécanique. Spes Caritas Cavagnana. La chenille légionnaire d'automne a déjà attaqué presque tous les champs de maïs dans la localité de la plaine de Gihanga, de Manda et de Muzinda, qui affiche un déficit pluviométrique selon les responsables à la Direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bouanza. En amont, dans les collines surplombant la plaine où les pluies sont abondantes, ces chenilles ne s'y adaptent pas selon la même source. Les cultivateurs disent que tous les produits phytosanitaires utilisés sont sans effet et pensent qu'ils ne vont rien récolter. Ils demandent l'intervention des partenaires dans le domaine de l'agriculture. La coordinatrice du projet, Tuehoneza, explique qu'il y a plusieurs méthodes de lutter contre ces chenilles, mais la méthode la plus conseillée et la plus efficace est la lutte mécanique. Cécile Gakima de la FAO l'a dit ce mercredi à Bouanza lors d'une réunion avec tous les partenaires dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. De même, au niveau de la DPAE Bouanza, on demande également aux cultivateurs de procéder à la lutte mécanique, capturer ces chenilles et les tuer, ensuite procéder à la pulvérisation des produits phytosanitaires, Doudou Fenos ou Ortem, afin de détruire même les œufs qui restent dans les feuillages du maïs. Spes Caritas Kabanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Une partie des tôles servant de toiture à 4 salles de classe à l'école fondamentale Murango en commune de Matana de la province de Bururi a été endommagée, de même que plusieurs livres lors des pluies torrentielles tombées dans cette localité ce jeudi, selon des sources administratives sur place. Et c'est une situation qui vient perturber les activités scolaires de fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours, selon les responsables scolaires qui demandent une intervention rapide. Entre-temps, les victimes des intempéries de ce week-end dans cette commune sont encore sous le choc après la grêle qui a détruit les champs de culture sur certaines collines et des pluies qui ont provoqué l'écroulement d'un mur de soutènement au centre de santé de Bihanga. À ce sujet, Dieudonné Nkunzimana, administrateur communal de Matana, informe qu'une équipe technique est à pied d'œuvre pour évaluer les besoins pour la réhabilitation de ce mur, et cela en fonction des moyens de la commune. Le responsable de cette structure de soins alerte que si rien n'est fait, dans les plus brefs délai, l'écroulement d'autres infrastructures est imminent. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement burundais compte à son actif beaucoup d'initiatives de lutte contre les violences faites aux femmes et filles, à savoir la politique de l'État en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Affirmation ce jeudi de la ministre en charge des droits de l'homme et du genre lors du lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles dans la province de Muyinga. Le vice-président de la République a quant à lui rappelé que l'État s'est engagé à éradiquer ce genre de violence. On fait le point avec Moïse Misago. Cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et filles a commencé ce jeudi pour prendre fin le 10 décembre de cette année. Le ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions affirme que beaucoup d'initiatives ont été déjà faites pour éradiquer ces violences. La ministre Imelda Sabushimike donne l'exemple de la politique de l'État en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Beaucoup d'initiatives ont été déjà faites dans l'optique de lutter contre les violences faites aux femmes et filles. On citerait la politique de l'État de lutter contre les violences basées sur le genre. Cette politique est claire pour ce qu'il faut faire pour prévenir ces violences, protéger et assister les victimes et ainsi punir les auteurs de ces violences. Le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, a rappelé que le gouvernement s'est engagé à tout faire pour mettre fin aux violences dont les femmes et filles sont victimes. Concernant l'état du Burundi, je vous rappelle qu'il s'est engagé de tout faire pour le respect des droits des femmes et des filles, éradiquer les violences dont elles sont victimes pour qu'elles s'attellent au projet de développement de leur famille ainsi que du pays. Le coordinateur résident des systèmes des Nations Unies au Burundi a promis son soutien dans la lutte contre les violences faites contre les femmes et filles, Damien Mama. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement, avec les autorités à divers niveaux pour amener les victimes à briser le silence. Nous allons continuer à fournir là où nous le pouvons, avec le peu de moyens dont nous disposons, de l'assistance médicale et judiciaire adéquate aux victimes. Cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles est célébrée sous le thème « Orangeons le Burundi, agissons immédiatement pour mettre fin aux violences faites aux femmes et filles ». Merci Moïse. Et la loi spéciale réprimant les violences basées sur le genre contient un certain nombre d'avancées en termes juridiques, même si les cas de violation sont toujours élevés. C'est l'analyse de l'avocate et consultante en genre, Alphonsine Bigirimana, qui trouve que cette loi est lacunaire au niveau de sa mise en application. Selon elle, cette loi spéciale devrait primer sur la loi pénale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elle le dit au moment où nous sommes dans la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Suivez-la et les taux micro de Raïssa Liliane Inamahoro. Qu'on a des avancées au niveau juridique, c'est une chose, mais quid au niveau de l'application de cette loi? 5 ans après la mise en place de la loi VBG, qu'est-ce qui a changé? Je rencontre des magistrats à différents niveaux, des avocats, des assistants juridiques aussi. La première chose que tu vas remarquer dans ce genre d'activité que je mène, c'est qu'il y a un problème de maîtrise du contenu de la loi VBG. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la plupart des acteurs de justice n'ont pas à leur disposition le texte de loi qui réprime les VBG. Et vous comprenez que cela doit avoir des incidences au niveau de l'application de la loi. On ne peut pas appliquer une loi dont on ne connaît pas le contenu. Cette loi même, elle contient des lacunes, même si elle était bien appliquée. Les discordances entre le code pénal et la loi spécial VBG. La loi spéciale VBG renvoie au code pénal pour certains faits constitutifs de VBG. Alors il se fait que d'abord ça c'est illogique parce qu'une loi spéciale n'est pas censée renvoyer à une loi générale parce que c'est pour cela qu'elle est spéciale. Elle est spéciale, elle doit primer sur la loi générale. Du coup, elle doit se suffire. Et le problème dans ce renvoi à certaines dispositions du code pénal, c'est qu'à l'époque, le code pénal en vigueur, c'était le code pénal de 2009. Dans l'entretemps, le code a changé, je crois, en 2019. Donc là, on trouve une distorsion, un certain nombre de discordances dans les deux textes. Et du coup, et les acteurs de justice et les autres intervenants dans le domaine de la justice se trouvent désorientés. On avait demandé que ce soit une loi unique de référence qui contient tous les aspects, tout ce qui concerne les VBG. Parce que cette désorientation a des incidences négatives au niveau de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en bref, une personne du nom de Jean Rudakenwa a été tuée, décapitée à l'aide d'une machette dans la nuit du 25 au 26 novembre sur la colline Gakerekwa, en zone Butana de la commune de Mabayi, c'est en province Chibitoke. Nicodème Ndawimana, administrateur de cette commune, explique que le défunt a été lâchement assassiné alors qu'il rentrait de sa boutique vers 19h. La même autorité administrative précise que le défunt avait déjà échappé à la mort à 2 reprises quand il avait reçu plusieurs balles au niveau des membres inférieurs. Les auteurs du forfait ne sont pas encore connus, mais 2 personnes sont dans les mains de la police pour enquête, toujours d'après la même autorité. Il est 13h10 à Bujumbura, vous êtes branchés sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 continue à mairie de Bujumbura au bureau du programme élargi de vaccination PEV où nous sommes passés ce vendredi. Les personnes qui veulent se faire vacciner viennent à compte-gouttes. Et parmi ceux qui souhaitent l'administration de la deuxième dose, ils indiquent que leur nom ne se présente pas dans le fichier de l'enregistrement pour la première qui conditionne la deuxième. C'est au moment où certains sont rentrés sans se faire vacciner suite au manque de vaccins de leur choix, notamment le Johnson & Johnson. Jean de Dieu, Irakodze. Les personnes qui viennent se faire vacciner contre la COVID-19 viennent à compte-gouttes au programme élargi de vaccination PEV. Parmi les problèmes qui se posent figurent les problèmes d'enregistrement survenus lors de l'administration de la première dose et qui conditionnent la deuxième, comme le signale ceux qui étaient venus se faire vacciner. Même si ces derniers saluent ces services, ils soulignent que le problème de connexion survient momentanément, ce qui traîne cette activité de vaccination. D'autres personnes venues pour cette fin rentrées sans se faire vacciner faute du vaccin de leur choix Johnson & Johnson. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté le 18 octobre année en cours et il y a environ 3 semaines, le ministère ayant la santé dans ses attributions avait annoncé qu'entre 100 et 120 personnes se faisaient vacciner par semaine. Merci Jean Dodieu. Puisqu'on parle COVID-19, des scientifiques sud-africains ont détecté une nouvelle variante du coronavirus. Qualifiée comme étant préoccupante, cette variante possède un nombre élevé de mutations et se propage rapidement, notamment dans la province de Gauteng. Des cas ont également été découverts au Botswana et à Hong Kong chez des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud. Jeudi, le ministre sud-africain de la Santé a annoncé que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 avait augmenté de façon spectaculaire. Cette annonce a suscité des réactions radicales comme au Royaume-Uni, où le ministre de la Santé a annoncé l'interdiction aux Britanniques de voyager dans 6 pays de l'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana. Et tous les vols en provenance de ces pays seront suspendus à partir de 12h, temps universel, c'est à 14h, heure de Bujumbura, ce vendredi 26 novembre 2021. Et dans le reste, toujours de l'actualité internationale, avant la chronique environnement, je vous ai dit que l'on parlera des effets négatifs de l'extraction des minerais sur l'environnement, la santé animale et humaine. Parlons maintenant des femmes de la RDC, des femmes ayant des ambitions politiques à Uvira. Étaient en formation mardi et mercredi. Elles disent vouloir anticiper tous les obstacles qui leur empêchent de gagner les élections. Sachez que les prochains scrutins auront lieu en 2023 et notre correspondant en République démocratique du Congo, Jérémy Kouima, nous dit comment elles se sont organisées. Encadrées par le caucus des femmes pour la paix, elles ont tenu un atelier de formation mardi et mercredi à la mairie d'Uvira. Sur quoi a porté cette activité, Madame Yvette Bouchenyoula? C'était uniquement pour les femmes potentielles candidates, mais aussi on a associé quelques autorités. En vue des élections qui sont prévues en 2023, le caucus des femmes a été proactif et a entamé le processus de renforcement des capacités et d'accompagnement des femmes potentielles candidates pour les élections de 2023. Vous voulez dire que les femmes ne sont pas au même rythme que les hommes, il faut alors les préparer d'avant? Je peux dire ainsi parce que départ d'abord des statistiques et les résultats des élections, essayer de voir si nous pouvons changer le résultat des élections des femmes par rapport aux élections précédentes et voir comment est-ce que les femmes peuvent être élues massivement par rapport aux élections passées. On a essayé de relever quelques défis par rapport au facteur échec aux élections des femmes. Et parmi les défis, il y avait eu que les femmes sont à un faible pourcentage sur le plan pouvoir économique, mais aussi les femmes n'ont pas vraiment de bonnes stratégies pour la préparation de campagne. À Uvira, aucune femme ne siège au Parlement au niveau national ni même en province. Une raison de plus qui les encourage à anticiper les événements. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'extraction des minerais a des effets négatifs sur l'environnement en termes de pollution du sol, sur la santé humaine et animale. Prudence Bararunyeretse, chercheur environnementaliste dans le secteur minier, professeur à l'Université du Burundi, explique que l'extraction minière est faite suivant différentes phases et à chacune est associée différents groupes d'impact environnementaux. Lydie Gahimbare pour les détails. L'extraction des minerais commence par la prospection minière, la construction des routes d'accès et le déblaiement des sites, et puis l'exploitation proprement dite qui est faite de différentes manières. Ces différentes manières d'exploitation sont associées aux différents groupes d'impact environnementaux. Explication d'un professeur de l'Université du Burundi. Chacune de ces phases est associée à différents groupes d'impact environnementaux qui peuvent être influencés par divers facteurs, notamment la sensibilité du terrain sur lequel on travaille et la sensibilité des écosystèmes et des communautés animales et végétales, et même humaines. Il y a également la composition des minéraux concernés ou extraits. Il y a le type de technologie ou de méthode employée. Prudence Balalunyeriti, chercheur environnementaliste dans le secteur minier, explique que l'exploitation des minéraux pollue la qualité d'eau qui cause l'infiltration des matières toxiques qui sont nuisibles à la santé. L'activité minière peut affecter à la fois la qualité de l'eau, mais aussi la disponibilité de l'eau. Il y a également l'érosion des sols, les sédiments qui se déversent dans les eaux de surface. Lorsque vous allez sur les sites miniers, vous trouverez que quelquefois il y a des bassins de décantation de résidus. Tout cela finit souvent par entrer dans l'eau. Ça peut également affecter la nappe phréatique, notamment par l'infiltration des matières toxiques et donc vous trouvez que ça devient un mélange de substances toxiques et l'eau de la nappe. Ce chercheur ajoute que l'extraction des minéraux dénature l'air par émission des gaz à effet de serre. Il y a également des impacts sur la qualité de l'air. Quand vous allez dans les zones minières, du moins dans les zones à grande activité minière, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'émissions de gaz, y compris même les gaz à effet de serre. C'est surtout ceux qui proviennent de la combustion des carburants qui sont utilisés par les machines, comme les véhicules, les poids lourds qui sont utilisés dans les sites, mais aussi ceux qui viennent de l'activité même d'extraction ou d'autres activités comme si on produit l'électricité, il y a d'autres gaz qui sont produits. La façon de gérer les risques ou impacts négatifs liés à l'extraction des minéraux, ça sera dans la prochaine chronique. Merci Lydie Gaïmbalé, le rendez-vous est pris. Ainsi se referme ce journal à 13h18 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Séraphine Hakizimana se trouve de l'autre côté de la baie vitrée au micro. Jean Bosco Douimana, passez un très bon après-midi.